Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbo Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbo Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle, on va parler de biographies. C'est la saison des biographies. Ben, il y a plusieurs biographies qui sortent, peu importe dans quel domaine vous œuvrez. Et ben, évidemment, nous, on est une radio de sport. Et il y a une biographie qui est lancée aujourd'hui même par aux éditions de l'Homme. C'est Alain Chesnais, que vous connaissez tous, il est à TVA Sport, qui lance sa biographie « Souvenir d'un recruteur » qui est écrit par Frédéric Laure, qui fait les matchs de l'Impact de Montréal à TVA Sport. Question un peu de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette biographie-là qui s'appelle « Souvenir d'un recruteur ». On lui parle. Bon après-midi, monsieur Chesnais. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Monsieur Chesnais, si on parlait d'abord de votre biographie « Souvenir d'un recruteur », qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Évidemment, j'ai travaillé 20 ans avec les Mighty Ducks, maintenant les Ducks Anaheim, puis j'ai parcouru finalement la planète hockey à la recherche des perles rares, si tu veux, qui permettraient à l'organisation un jour d'atteindre les grands honneurs. Les grands honneurs, c'est de gagner la Coupe Stanley. Évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre-là, de faits cocasses sont arrivés également à travers mes voyages, un peu partout dans le monde, si tu veux, où est-ce qu'il y avait du hockey. Alors, c'est un petit peu ça, Fred Laure a accompli un excellent travail pour bien rendre le livre à l'image que je suis comme recruteur, que j'étais comme recruteur tout simplement. Et puis, il y a beaucoup d'effets cocasses, beaucoup de choses sont arrivées durant ces 20 ans-là et qu'on essaie de bien traduire et vulgariser dans le livre « Souvenirs d'un recruteur ». OK. Évidemment, la job de dépisteur, c'est une job qui beaucoup de monde se dit ça doit être le fun à faire. On voyage par l'Amérique du Nord, dans le monde entier. On va en Russie, on va partout, là. C'est le fun, mais en même temps, il y a la vie familiale aussi qui doit être hypothéquée aussi, là. Bien entendu, c'est un travail qui est absolument très exigeant. Si tu veux bien faire ton travail, surtout comme recruteur chef, tu dois être sur la route pour voir des joueurs, te rendre disponible et voyager énormément. Mais par contre, c'est tellement enivrant que tu te rends pas compte des heures interminables que tu passes à voyager. Et moi, dans les 20 ans passés avec les Ducks d'Anaheim, là, j'ai demeuré l'équivalent de 5 ans à plein temps d'une chambre d'hôtel. Alors, c'est une idée comment tu passes du temps sur la route. Alors, lorsque tu passes en moyenne 20 à 22 jours par mois à l'extérieur de ton foyer, bien écoute, évidemment, il faut que la famille soit très, très patiente parce que c'est très difficile. T'es pas souvent présent. Tu vois pas le temps, bien souvent, de voir grandir tes enfants, sauf l'été. Et puis même comme recruteur chef amateur, bien l'été, t'es toujours occupé. Il y a des tournois en Europe, des tournois partout au Canada. Faut que tu y rentres. Donc, finalement, t'as peut-être un mois de vacances, là, pour préparer la nouvelle saison, c'est à peu près tout. C'est très exigeant, mais par contre, c'est enivrant et très excitant comme travail. OK. Souvent, moi, Marc Fortier collabore énormément avec moi, puis Marc a été un dépisteur également. Il est dépisteur pour les Remparts de Québec aujourd'hui, mais il était dépisteur dans la Ligue nationale. Puis il m'expliquait comment ça fonctionne un repêchage. Souvent, vous allez me corriger si c'est demain que ça marche, mettons qu'un dépisteur, un joueur à l'œil. On va prendre l'exemple, Raphaël Lavoie, genre des Moussets d'Halifax cette année. Là. Souvent, si un Serge Boisvert, on va prendre l'exemple, Serge Boisvert est en amour avec Raphaël Lavoie. Souvent, un Marc Bergevin ou un Trevor Timmons va envoyer d'autres dépisteurs évaluer Raphaël Lavoie. Est-ce que c'est le même que ça marche? Oui, absolument. Le directeur gérant, pas très souvent, lui, ouais. Qu'est-ce qu'il va voir, le directeur gérant, c'est en fin de saison. Aller voir peut-être les 3-4 joueurs que l'équipe a ciblé comme choix de premier tour. Mais il n'y a pas le temps de faire le tour de tout ça. C'est le recruteur en chef. Dans une organisation de hockey, tu as des recruteurs à temps plein et des recruteurs à temps partiel. Alors, les recruteurs au Québec sont là pour essayer de cibler, de faire le tri des meilleurs espoirs de la Ligue hockey majeure du Québec. Oui. Et par la suite, mais on soumet tout ceci au recruteur chef. Puis lui, il demande aux autres recruteurs à temps plein, exemple ceux de l'Ouest, de l'Ontario, de venir voir ces joueurs-là au Québec, d'avoir une autre opinion, une autre avis. Et lorsque tu arrives en réunion, en meeting, à ce moment-là, c'est là que ça se passe, puis que tu peux discuter du joueur en question. OK. Si on parlait un peu, exemple, du joueur, exemple, du cas de Serge Boisvert, on a souvent reproché aux Canadiens que les dépisteurs québécois n'avaient peut-être pas nécessairement une bonne opinion ou encore n'étaient pas pesants. Est-ce que ton dépisteur doit être vendeur, doit avoir une forte personnalité pour pousser ton joueur et à ce que le Canadien repêche, exemple, un joueur lors de ce repêchage-là? Bien entendu, lorsque tu es à 100 partiels, Serge Boisvert est à plein temps. Okay. Donc, lui aussi, il va parcourir d'autres ligues comme l'Ouest Ontario et même l'Europe. Donc, il est en mesure de pouvoir comparer les joueurs d'une ligue à l'autre. Là. Mais si tu es seulement à temps partiel, vraiment, faut que tu es un joueur que tu désires que ton équipe repêche, bien, faut que tu te battes pour lui. Mm. En table de repêchage, tu arrives au quatrième tour, par exemple, puis vraiment, tu veux que ce joueur-là qui est encore disponible, quand tu vas voir ton dépisteur chef, tu mets un peu de pression, tu dis, écoute, je veux absolument qu'on te prenne. Moi, je suis convaincu qu'un jour, on va dans la Ligue nationale de hockey. Il faut que tu te battes pour ton joueur. Ça arrive à chaque organisation. Mais les recruteurs à plein temps, eux, on fait le tour de toutes les ligues. Donc, ils sont à mesure de comparer le joueur du Québec, celui de l'Ouest, celui de l'Ontario et ceux qui sont en Europe également. OK. Qu'est-ce qui fait qu'un Brendan Gallagher peut se ramasser en cinquième ronde, que Johnny Gaudreau se ramasse en sixième ronde? C'est souvent le gabarit. Tu sais qu'à l'époque, c'était pas la même dynamique qu'aujourd'hui. Alors très souvent, Brendan Gallagher, j'ai joué énormément de fois avec les Giants de Vancouver. Puis c'était le même style qu'il fait maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il était vraiment impliqué, mais tout le monde se disait, oui, mais il est pas tellement gros. Avec ce style-là, va-tu être blessé? Il y avait beaucoup là de ça faisait peur à certains recruteurs, à certaines organisations. Johnny Gaudreau, il était à 5 pieds 7 pouces, 150 livres. Ça faisait peur également à beaucoup de monde. On peut parler de Paul Byron également. Oui, Paul Byron. Paul Byron, lorsqu'il évoluait avec les Olympiques de Hull, il était à 135 livres. Mm. Alors, ça faisait peur à beaucoup de monde. Cependant, la nouvelle dynamique maintenant, c'est la rapidité, c'est la relance de l'attaque, c'est le jeu de transition. Ça prend des joueurs très rapides et très agiles sur patin. Donc, les plus petits joueurs se démarquent très, très bien s'ils ne craignent pas de s'amener dans les zones souffrantes mais payantes. Et c'est le cas de ces jeunes joueurs-là, ces petits joueurs-là qui jouent très, très bien et qui sont très efficaces pour leur organisation respective. C'est pas de la manière qu'ils se développent aussi? Ils peuvent se développer sur le tard? Oui, ça peut arriver. Bien entendu, ça peut arriver. Ouais. Et ça dépend également. C'est pas juste les recruter puis les repêcher. Il faut que tu développes dans le club école très souvent également. Ouais. Ça, c'est un tout, ça. Sélectionner les joueurs, les repêcher, mais par la suite, une autre étape à franchir qui est de bien les développer. Là. OK. Si vous avez été directeur du recrutement en chef, un peu le même job que Terry Timmons, mais pour les Dogs de la Haine, si ton directeur général échange des choix, ça se voit souvent, cela. Est-ce que le directeur du recrutement, il ne doit pas trouver drôle? Je vais prendre l'exemple c'est en 2015 qu'Andrusha a été acquis? 2016? Andrusha a été acquis? 2016. Andrusha a été acquis pour deux choix de deuxième ronde. Comment se sent un directeur général du recrutement quand ton directeur général... Nous, on veut toujours avoir la solution idéale qui est d'avoir le plus de choix en repêchage possible. Ouais. Il faut comprendre que ton directeur gérant, lui... Il y a le portrait global de l'organisation, puis s'il y a des besoins pour qu'ils soient comblés, bien, il va essayer de faire des transactions possibles pour améliorer son équipe. Et si c'est de donner des choix au repêchage, il va le faire, mais comme recruteur en chef, toi, tu dis, ben, écoute, donc, t'aimes avoir plusieurs choix au repêchage, comme le Canadien a eu cette année. Ouais. Ça te permet beaucoup de latitude dans le repêchage également, de pouvoir offrir à l'organisation une très bonne banque d'espoir pour le futur. Alors, c'est certain que lorsque tu arrives comme recruteur chef lors d'un repêchage, puis t'as seulement trois choix, puis ça commence au troisième tour, là. Et écoute, tu peux trouver le temps très, très long durant cette journée-là, et puis éventuellement, ça peut rattraper l'organisation également. C'est certain que pour un... Oui, vas-y. Ça l'a rattrapé, le Canadien, là. Les deux derniers repêchages, ce qu'on dit, c'est que c'est un très, très bon repêchage. Mais avant, on les voit, les années de Sherback, les années de McCarron, t'es obligé de faire du patchage en langue excusez-moi l'expression, mais c'est ça pareil, là. J'ai des questions des auditeurs, M. Chindé, parce que moi, j'ai demandé aux auditeurs, quand j'ai des bons invités, je demande toujours si les auditeurs ont des questions. Et il y en a une qui me demande, est-ce que 18 ans, c'est trop jeune pour être repêché? On ne devrait pas être repêché à 19 ans? Ben écoute, à 19 ans, ça serait plus facile parce qu'on est plus près du produit fini, donc il y a moins de projections à faire pour une organisation, pour un recruteur. Le joueur rendu à 19 ans, il est plus mature, donc tu sais à peu près beaucoup plus facilement et plus rapidement qu'est-ce qu'il va devenir. Le recrutement, c'est de projeter un joueur dans le futur. Plus que tu le projettes correctement, meilleure va être ta liste de repêchage, tout simplement. Mais je pense pas que ça va arriver pour demain, cette chose-là. Je crois qu'à 18 ans, je sais que Pat Lafontaine avait parlé éventuellement à la Ligue nationale de hockey de mettre le repêchage à 19 ans, mais ça n'avait pas été accepté. Et je crois pas que ça va arriver. Mais à 18 ans, il faut le projeter un petit peu plus tard dans le futur, tout simplement. Mais on est habitué de le faire. Les organisations, maintenant, ils savent très bien. Puis il y a tellement d'impondérables également qui arrivent lors d'un repêchage. Un joueur que tu repêches et que tu penses qu'il va se développer, mais pour mille et une raisons, atteint pas son niveau de potentiel. Mais il reste que je ne crois pas que ça va changer pour demain, là, le repêchage de 18 ans pour se rendre Okay. Votre meilleur coup, comme directeur que vous êtes plus fier, là? Mais mon Dieu, je pense que c'est l'année de 2003 où est-ce qu'on avait repêché au premier tour Aaron Getzlaff et Corey Perry, puis pas des choix très, très tôt. On a repêché Getzlaff 19e, Perry 28e. Et c'était deux joueurs qu'on avait très haut sur notre liste. On avait Getzlaff à 5 au total, Perry à 8. Okay. On les a obtenus à 19 à 28. Donc, pour nous, ça fut... Et ces deux joueurs-là là, ont fait partie intégrale de l'équipe pour nous aider à gagner la Coupe Stanley. C'est des joueurs extraordinaires. C'est le fameux trio de Dustin Penner, Ryan Getzlaff et Corey Perry qui avaient été fantastiques en séries éliminatoires. Donc, écoute, ils nous ont aidés vraiment à remporter la Coupe Stanley en Inde. Comment évaluez-vous le travail de Jerry Timmons? C'est un autre auditeur qui me demande ça. Ben, ça peut être mitigé. C'est difficile pour moi de critiquer le travail de recruteur en chef, parce que je sais pertinemment comment c'est difficile, puis comment, comme je viens de mentionner, comment d'impondérables, combien d'impondérables peuvent arriver à l'intérieur d'une carrière d'un jeune joueur. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des années plus difficiles cependant, ça faut l'admettre, là, c'était difficile pour certaines années, qu'il y a beaucoup de choix de premier tour qui n'ont jamais évolué dans la Ligue nationale de hockey. Mais je crois que cette année, le Canadien s'est drôlement repris. Ah ouais. On effectue un excellent repêchage. Je parlais à beaucoup de mes amis qui sont recruteurs dans la Ligue nationale, puis vraiment, les Canadiens ont repêché d'excellents joueurs, puis on a juste à voir évoluer le jeune Todd Kotkaniemi, puis se rendre compte justement du potentiel de croissance énorme que ce jeune-là possède. OK. Moi, j'ai une dernière question, puis après ça, on va faire un peu où est-ce qu'on peut trouver le livre. Il va y avoir 32 équipes bientôt. À un moment donné, il y avait 21 équipes. Pensez-vous qu'avant longtemps, des équipes émergentes, il va y avoir de plus en plus de joueurs de la Norvège, de l'Allemagne. L'Allemagne se développe beaucoup. Même de la Chine, d'ici 10 à 15 ans, pensez-vous qu'il peut y avoir un premier Chinois qui peut jouer dans la Ligue nationale? Ça va venir peut-être arriver, ce sera pas pour demain. Puis là, OK, t'as pris. Il y en a du hockey en Chine, mais il n'est pas encore développé. Ça va prendre plusieurs années, selon moi. La Norvège, les Norvégiens, les Norvégiens ne demeurent pas en Norvège pour de leur développement dans leur hockey. Ils vont souvent se rendre en Suède ou en Finlande pour poursuivre leur carrière, et ça, à très bas âge. Et c'est de cet endroit-là qui sont souvent repêchés. L'Allemagne a produit certains joueurs. Je pense qu'il y a des bonnes ligues élites en Allemagne. Ça va très bien sur ce côté-là. La Suisse. On ne peut pas dire qu'ils fournissent la Suisse également. Il y en a un petit peu moins présentement, mais ceux qui jouent dans la Ligue nationale sont très bons. On n'a qu'à penser à Roman Nivoussi avec Nashville, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais je crois qu'au niveau des Norvégiens, en Scandinavie, ces joueurs-là se développent surtout en Suède et en Finlande. OK. L'Allemagne va en développer peut-être plusieurs, parce que je pense qu'au cours des prochaines, d'ici 10 à 15 ans, on peut en avoir quelques-uns. Donc, on rappelle, le livre est aux éditions aux éditions La Semaine, aux éditions L'Homme. C'est en vente dans les bonnes librairies. Je ne sais pas si Adolboom, c'était signé à la librairie centrale, il est encore arrivé. C'est sûr qu'en région... Il sort aujourd'hui, je pense, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, okay. Oui. Donc, en région, il va sortir, il va arriver probablement demain ou vendredi. Donc, au coût de 22,95. Alain Chénier, très, très intéressant. Et on espère beaucoup, beaucoup de belles ventes dans votre livre. Puis continuez votre bon travail à TVA Sport. Ah, ben, ça fait plaisir, très gentil. Merci. Alain Chénier, l'ancien directeur du recrutement des Ducks de Lions.